L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zein Meyrowitz. Sixième épisode. Est-ce que cela vous dirait de travailler ici à l'hôtel? Ah oui, volontiers. Pour commencer, je peux vous trouver un travail qui ne demande aucune compétence particulière. Je vous en suis très reconnaissant. Donc je me présente, je m'appelle Karl Rossmann et je vous suis... Vous êtes allemand, j'entends. Oui, allemand. Mais allemand de Prague, en Bohème. Ah, Rossmann! Un ami à toi vient de me poser des questions à ton sujet alors que j'entrais à l'hôtel. Un ami? Un français. Un certain Delamarche. Méfie-toi de lui. Je n'entends que des compliments à votre sujet, Karl. De toute façon, vous allez voir, en très peu de temps, vous allez monter en grade. Vous ne resterez pas longtemps lifté. Auf Wiedersehen. Robinson. Bonsoir, Rossmann. Mais... Robinson? Lui-même. Je vous ai pas reconnu tout de suite. Avec ses beaux habits chics et chers. Il sent l'eau de vie, c'est épouvantable. N'oublie pas, c'est un Irlandais. Vous buvez toujours, je vois. Qui, moi? Oh, quelques gouttes de temps en temps pour des raisons de santé. De toute façon, quel autre plaisir je pourrais avoir dans ce monde de misère et de souffrance. Fais-le disparaître, et vite. On te regarde. Écoutez, Robinson, des clients de l'hôtel arrivent, je dois travailler. Alors maintenant, au revoir et bonne chance. Attendez, attendez. Notre train de vie est au beau fixe en ce moment. Vous voulez pas nous rejoindre? Qui m'invite? Vous ou Delamarche? Tous les deux. Sauf toi. Dans ce cas-là, il n'en est pas question. Nous nous sommes séparés de façon définitive. Personne au monde ne m'a fait autant de tort que vous deux. Et dès maintenant, arrêtez de m'ennuyer et partez. Vous avez compris? Mais nous sommes toujours de bons camarades, Rossmann, non? Il le dit avec des larmes de crocodile dans les yeux. Sale ivrogne. Delamarche m'a chargé de vous dire qu'il veut vous dédommager pour le passé. Nous vivons maintenant avec Brunelda, une cantatrice splendide et riche. Parlez-moi fort, vous êtes dans un lieu public, un hôtel. Oui, oui, l'hôtel Occipital, où vous avez une bonne position de liftier. Donc, vous pouvez bien sûr me prêter quelques sous. Pour boire, sans doute. Pour me donner des forces, c'est tout. C'est sûrement Delamarche qui vous a envoyé chercher de l'argent. Bon. Je vous le donnerai. À condition que vous quittiez ces lieux sur le champ et que vous ne reveniez plus m'importuner. Plus jamais. Si vous voulez me contacter, vous m'écrivez. Rossmann, liftier, hôtel Occidental, Ramsès. Compris? Rossmann. Je ne sens pas bien du tout. Oh non, pas ça! Rossmann, vous êtes un bon garçon. Oh, c'est pas fini. Débarrasse-toi de lui. Si des clients arrivent, t'es cuit. Robinson, vous devez partir. Tenez. Tous mes pourboires de la journée. Dépêchez-vous, je vous montre le chemin. Impossible. Je me sens trop mal. C'est les liqueurs pour gens riches que Delamarche et Brunelda me font boire. Elles me tapent sur le foie. Mais vous ne pouvez pas rester là, dans le vestibule, il y a du monde. Pas bouger. Pas bouger. Je vais appeler un taxi pour vous transporter jusqu'à l'hôpital. Non. Chut. Écoutez, voilà, j'ai une idée. Je vais vous aider à monter dans le dortoir des liftiers. Vous pourrez dormir jusqu'à ce que vous soyez en mesure de repartir. Dis, Giacomo, tu peux me remplacer quelques instants? Je reviens tout de suite. Entendu. Merci. Venez. Alors, Rossmann? Il dort, Rossmann. Enfin. Il faut que tu le sortes du dortoir. Si jamais il y a une inspection. Je le ferai à 6h du matin. À la fin de mon service. Il y aura moins de monde. Et n'oublie pas de t'occuper du dégueulis. Oh non, pas ça. Rossmann, enfin te voilà. Comment ça, enfin? Je suis parti 5 minutes. Oui, mais malheureusement pour toi, le maître d'hôtel est passé durant ces 5 minutes. Et m'a demandé pourquoi tu n'étais pas à ton poste. Tu es convoqué dans son bureau. 5 minutes, ce n'est rien. Mmh. Rossmann, monsieur le maître d'hôtel. Vous désirez me voir ? J'avais cru comprendre qu'il t'avait convoqué, et là, il est en train de boire son café tranquillement et de lire son journal. Il ne te regarde même pas. C'est quoi cette mascarade ? En plus, le concierge principal de l'hôtel est également présent. Ce géant, dans son uniforme avec épaulettes et rubans dorés. Et lui non plus ne dit rien. Par contre, lui te regarde d'un œil mauvais. Ressaisis-toi, Rossmann. Surtout ne laisse rien transparaître, même pas un semblant de culpabilité. Alors, tu as quitté ton ascenseur sans permission. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu es viré. Et pas d'excuses, pas de mensonges, ton absence me suffit. Il y a du vomi dans le vestibule. Il a eu très mal au ventre, peut-être. Non, monsieur le concierge principal, ce n'est pas vrai. Écoutez, monsieur le maître d'hôtel, j'ignorais qu'il me fallait demander la permission pour m'absenter de mon poste juste 5 minutes. Tu ne le savais pas. Voici le règlement intérieur. Lis ce paragraphe à haute voix. Je connais ce paragraphe, mais je l'ai simplement oublié. C'est la première fois en 2 mois que je m'absente, et cela pour 5 petites minutes. Et en plus, j'ai demandé à un autre liftier de me remplacer. Tu n'es qu'un vaurien. Tu ne mérites pas de travailler dans un tel hôtel. Qu'est-ce que vous en pensez, Féodore ? Je n'ai pas besoin de penser. Je le connais bien, celui-ci. Tu sais, Rossmann, tu es le seul liftier dans cet hôtel qui ne me salue pas quand il me croise. Chaque employé passant devant ma loge est tenu de me saluer. Je l'exige, et même si je donne l'impression de ne rien remarquer, je sais parfaitement lesquels me saluent et lesquels ne le font pas. Monsieur, je vous assure que ce n'est pas vrai. Je viens d'Europe, où on est tenu de saluer tout le monde, tout le temps. Dans la haute société de New York, où en arrivant en Amérique, j'ai été introduit par mon oncle, on m'a fait le reproche d'être trop poli. On m'a même conseillé de moins saluer les gens. Mais ici, je passe devant vous peut-être 100 fois par jour. Il se peut, je l'admets, qu'une fois ou deux, étant occupé avec un client, j'oublie. Sinon, je vous salue aussi souvent que possible. Souvent ? À chaque fois, Rossmann. À chaque fois, sans exception, tu dois me saluer. Et casquette basse quand tu t'adresses à moi. Et monsieur le concierge principal, à chaque fois, sans exception. Eh bien, dans son prochain emploi, il saura saluer ses supérieurs. Ton prochain emploi ? Eh bien, Rossmann, c'est pour de vrai. Ah, madame la chef cuisinière, excusez-moi de vous avoir dérangé de si bon matin, mais nous sommes devant un cas très très grave. Oh non, madame avec Thérèse. Humiliation sur humiliation. Mais Carl Schön, qu'est-ce qui se passe ? Je suis viré, madame. Mais il n'en est pas question. S'il y a un problème concernant les ascenseurs, nous allons vous trouver une autre tâche. Et non, chère madame. Pas d'autre tâche. Il est licencié maintenant et pour toujours. Pour un garçon comme lui, il n'y aura plus de travail dans cet hôtel. Et vous ne pourrez pas me faire changer d'avis. Mais il s'est toujours très bien conduit. Je ne comprends pas. Moi non plus. Il y a déjà un tas de plaintes contre lui et monsieur le concierge principal vient de me livrer le terrible bilan de son insolence. Avez-vous d'autres témoins ? Ils sont légion, madame. Vous voulez que je vous dresse le tableau de tout ce qu'il fabrique pendant ses sorties en ville ? Sorties en ville ? Moi ? Mais il y a certainement confusion avec quelqu'un d'autre. Vous allez vous adresser à moi correctement. Monsieur le maître d'hôtel, je passe mes nuits exclusivement au dortoir. Tous les liftiers peuvent en attester. Et vous, monsieur le concierge principal, vous me confondez apparemment avec un autre garçon. Tais-toi ! Quel culot ! 30 ans que je suis concierge principal ici. Et tu crois que je pourrais garder un tel emploi si je confondais les gens ? Et je sais bien que tu passes tes nuits en ville. Et en plus, tu le fais dans mon dos. Ce n'est pas la peine de le nier. Et maintenant, Rossmann, je vais te donner une note pour le service comptable afin que tu puisses toucher ton salaire, que tu ne mérites pas. Mais sache que je fais ce geste uniquement par égard envers madame la chef cuisinière ici présente. Mais, Karl, il faut que tu dises quelque chose. Je t'en prie, Thérèse, va-t'en maintenant. Je ne me défendrai pas bien si tu restes là. Et j'ai besoin de me défendre parce que l'on me reproche des choses fausses. Plus je ferai attention, mieux je saurai me défendre et plus j'aurai d'espoir de rester. Allons, Thérèse. Je refuse de te laisser entre leurs mains. Et vous, monsieur le concierge, lâchez ce garçon. Il n'a rien fait de mal. Principal. Concierge principal. Madame la chef cuisinière, Pour parler franc, je ne comprends pas comment vous pouvez persister à vouloir défendre ce petit voyou. Les choses vont de plus en plus mal pour lui, et bien que j'aimerais, croyez-moi, vous rendre service en lui accordant une deuxième chance, la gravité de l'affaire me contraint à m'en tenir à ma première décision, donc de le licencier. Je voudrais d'abord parler avec ce garçon. Monsieur le concierge principal, lâchez-le s'il vous plaît. Il n'a quand même pas commis un crime, alors... Bien. Carl, approche. Je veux que tu saches que j'ai toujours confiance en toi. Je te soutiens à 100%. Mais d'un autre côté, je sais que monsieur le maître d'hôtel est un homme juste. C'est notre souhait de pouvoir te garder ici. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que cela se réalise. Puisque vous y tenez absolument... Tout ce qui se passe n'est pas tragique. Ensemble, nous allons trouver une solution. Je n'en suis pas si sûr. Mais qu'est-ce que c'est ? Mille pardons, monsieur le maître d'hôtel, mais il y a une urgence dans le dortoir des liftiers. Oh non, Robinson. Quelle urgence ? On a trouvé un inconnu complètement bourré là-haut. Et quand on a essayé de le faire sortir, il a commencé à hurler qu'il était l'invité de Carl Rossmann, qu'il a d'ailleurs désigné comme propriétaire du dortoir. Donc il a insisté pour attendre là, prétextant que Rossmann lui avait promis de l'argent. Ensuite, les liftiers ont commencé à se disputer avec lui. Il a essayé de les frapper, mais comme vous le savez, monsieur, on a quelques boxeurs parmi nous et... Eh bien, il est KO. Par terre, tout ensanglanté. Bon, on va chercher un médecin et laisse-nous tranquille. Alors, Rossmann ? Je n'ai pas eu le choix. Il était ivre quand il m'a abordé pendant mon service. Je l'ai amené au dortoir provisoirement, en attendant qu'il dessoule. Il s'appelle Robinson, c'est un Irlandais. Mensonge sur mensonge. Robinson, depuis que l'Irlande existe, il n'y a jamais, jamais eu un Irlandais portant un tel nom. En plus, cet homme est arrivé à l'hôtel à pied, par ses propres moyens, et c'est par la suite qu'il est devenu trop ivre pour en repartir. Donc j'en conclus que c'est toi qui l'as fait boire pour le saouler, bien évidemment. Tu ne réponds pas ? Un instant, mademoiselle. Il va certainement inventer quelque chose de très amusant. Si tu ne dis rien, je ne peux rien faire pour toi, Carl. Parle, Rossmann. Donc, ce serait avec cet Irlandais que tu passes tes nuits dans les bars de la ville. Comment est-il possible que tu sois arrivé à me cacher tout ça ? Et comme tu déposes l'intégralité de ton salaire et les pourboires de chaque soir dans le coffre de mon bureau... Je me demande où tu trouves l'argent nécessaire pour payer à ton Irlandais et à toi-même les plaisirs de ces virées nocturnes. Alors ? Monsieur ? Quoi maintenant ? L'Irlandais refuse d'aller à l'hôpital. Il insiste pour qu'on lui procure une voiture pour le ramener chez lui. Et il dit que c'est Rossmann qui va payer. Tiens, donne-lui ça. C'est tout ce qu'il me reste. Il insiste aussi pour que tu repartes avec lui. Pas question. Bon, Rossmann, j'en ai marre. Tu es licencié sur le champ. Tu vas quitter l'hôtel tout de suite. Mais, monsieur le maître d'hôtel... Préférez-vous, madame, que je le fasse arrêter ? Non. Donc, dans un quart de minute, je veux te voir passer devant ma loge et quitter l'hôtel. Un quart de minute ? Pas plus. Et n'oublie pas de récupérer tes affaires en passant. Tu appelles ça un quart de minute, Rossmann ? J'ai fait mon possible. Viens dans mon bureau. Je suis déjà viré, je ne suis pas obligé de vous suivre. Je t'ai dit de venir dans mon bureau, petit malin. Lâchez-moi tout de suite. Lâchez-moi, vous me faites mal au bras. Tu sais, petit minable, j'aurais pu te donner un autre boulot ici à l'hôtel. Si tu ne t'étais pas saoulé avec cette espèce d'étranger... Je n'ai plus rien à voir avec vous. Je veux m'en aller. Pas encore. En tant que concierge principal, c'est moi qui prends toutes les décisions en ce qui concerne les entrées et sorties de l'hôtel. Toutes les personnes qui travaillent ici aux entrées sont censées m'accorder une obéissance totale. Pas moi, je ne travaille plus ici. Et moi, je peux te faire fermer ta gueule. Quand tu portais l'uniforme de l'hôtel, tu avais l'air de quelqu'un. Quelqu'un qu'on a envie d'admirer. Mais maintenant, dans ces vêtements qu'on n'ose porter qu'en Europe... Tu es vraiment minable! Enlevez vos sales pattes! Pas avant que je ne te fouille les poches pour voir ce que tu as volé ici à l'hôtel. Ou peut-être que t'as déjà tout refilé à ton Irlandais pour qu'il le cache. Bon, je ne trouve rien. Et maintenant, dégage! Avant que je ne devienne méchant avec toi! Ah, Rossmann, tu m'as fait attendre très longtemps. Regarde-moi. Oui, regarde-le. Des pansements des pieds à la tête, des vieux morceaux de chiffon couvrant ses prétendues blessures, et en caleçon. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Robinson? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh ben, tes petits copains liftiers m'ont sauté dessus. Une bonne dizaine, au moins. J'ai réussi à en maîtriser une partie, mais ils ont appelé du renfort. C'était trop, même pour moi. Et me voilà handicapé pour le reste de ma petite vie. J'aurais besoin d'au moins un mois pour récupérer. Et en plus, mes vêtements sont déchirés. C'est pour ça que tu me trouves ici en caleçon. Pourquoi j'ai fait l'erreur mortelle de te rendre visite en bon camarade que je suis? Tu es ivre, Robinson. C'est tout? Non, non, non, c'est pas tout. Je suis gravement blessé. Il n'y a que toi pour me soigner. Moi, pas question. Mais si, regarde! Ils m'ont envoyé cette voiture avec un chauffeur pour nous emmener chez Delamarche et Brunelda. Mais il faut que tu règles le trajet. Tu vas voir. Tu vas voir quelle belle vie nous allons avoir ensemble. Toi, moi, Delamarche. Comme au bon vieux temps. Et avec Brunelda. Allez, viens, monte! Karl Rossmann, qui n'a désormais plus rien à perdre, regarde tout autour de lui devant l'hôtel occidental. Du monde se presse en direction de la voiture pour venir observer la suite des événements. Quelques liftiers aident même Robinson à s'installer à l'arrière du véhicule. Karl contemple sa propre tenue, de minables vêtements qu'on n'ose porter qu'en Europe. Il en a honte et il prend place à côté de Robinson pour éviter de croiser les regards de ses anciens collègues de travail, qui pourraient vouloir tenter de lui serrer la main une dernière fois. Ensuite, l'automobile démarre et disparaît dans la circulation dense, et Rossmann quitte pour toujours la ville de Ramsès, état de New York, en Amérique. Ville qu'on ne trouvera sur aucune carte. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zayn Meyrowitz. Sixième épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Valérie Moinet, la chef cuisinière, Lynn Thibault, Thérèse, Clément Laguarde, Giacomo, Dominique Parent, le maître d'hôtel, Marc-Henri Boisse, le concierge principal. Et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Nicolas L., Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Villegard, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissans, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.